music. Faut faire le plein de bonne humeur. Hey, ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. Ouais, ouais. On va rire, ce sera marrant. Direct. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1. Dès 20h, La Trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Wow. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous nous avez manqué. C'est la première fois qu'on se quitte une semaine entière. C'est vrai, ouais. Quelle horreur. On est de retour, là tout va bien. On est déjà le 5 avril, on n'a même pas eu le temps de parler un petit peu de ce changement d'heure. Et de faire une petite blague pour le 1er avril. Oui, c'est comme les personnes âgées. Ah, oh, tu sais qu'à cette heure-ci, il est censé encore faire noir. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. On me l'a dit tantôt d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. J'ai croisé quelqu'un, il m'a dit bonsoir, et après il m'a dit... C'est vrai qu'il fait quand même pas noir pour l'instant. Alors oui, vous remarquez que contrairement à d'habitude, ça résonne un petit peu, c'est normal. On est en direct de... Attendez. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je veux bien que c'est une salle de bain, mais on essaie de faire un peu de radio ici. Merci, merci, c'est gentil. Non mais attendez, on vous explique. On a besoin d'argent. On fait dame pipi sur le côté. Dans une caravane. Et comme on n'a pas des horaires très flexibles, on fait de la radio en même temps. Donc cette émission. Et ton papier mâché. Mais à côté de nous, Radio Falminioul, c'est des pros. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous savez quoi? C'est radio à la maison. Hein ouais. Voilà, le temps que KIF mette du scotch sur son studio, nous on fait de la radio comme on peut, mais surtout, on est toujours là. Et, oui. Et quoi qu'il arrive, on vous lâche pas. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Ouais, nous, on est là en plein milieu pour essayer de vous changer les idées. Il y a plein de belles choses qui arrivent dans cette émission, notamment pas mal de nouveautés. D'ailleurs, Maëva, je pense que tu nous as bossé une nouvelle séquence. Ouais, ouais, fallait le dire plus tôt, ça s'appelle. Oh là là, le ouais. Fallait le dire plus tôt, tu vas nous faire jouer. On joue avec quoi cette semaine? Mais en fait, je vais essayer de vous faire deviner à quoi ça sert un objet du quotidien. Quelque ouais. Chose qu'on voit tout le temps, mais on ne sait jamais à quoi ça sert. Ouh. Donc, il va falloir le deviner. Après, bien évidemment, je donne les explications. Et les réponses pour moi, merci. On verra ça. Ok, mais c'est très bien. De toute façon, la minute tactile ne bougera pas, évidemment. Tu nous parleras de comment supprimer un mail après son envoi. C'est assez pratique. Si vous envoyez à votre patron, va te faire foutre, et que vous vous dites, oh, c'est peut-être un peu excessif. Et ah, tu l'as reçu, mon mail? J'ai reçu, ouais. Eh ben, ma mère va t'apprendre comment annuler l'envoi. Merci. On aura le top 5 des pires situations quand on fait le ménage. Oui. Oui, c'est le printemps, donc forcément, on a envie de faire le ménage. Mais surtout, laissez-moi démarrer cette émission. Si vous voulez bien, on va passer à notre champion de la semaine. Ah. On va l'écouter? Oui. On va essayer de savoir qui c'est. Là, ici, tout le visage, là, tout est... Et presque... Enfin, si... Il s'est endormi en fait. Tout ça, je sens tout le visage qui est endormi. C'est un truc pour articuler, parce que j'essaie de faire des efforts. Mais tout pour articuler, c'est... Ah, la voix m'est familière. Je peux dire que t'es un salaud ou pas? Non, juste pour savoir. Mais parce que... Non mais... Oui, vas-y. T'as une vieille chaîne YouTube et tu dis, alors tout le milieu... Mais c'est toi? Non mais je peux m'expliquer ou t'as d'autres extraits? Oh, on va écouter d'autres trucs. Pour marcher, je te dis même pas pour marcher. Ok, c'est vrai, c'est bon. Parce qu'en fait, c'est... Comme si tu en venais dans un manège et qu'il y a tout qui tournait. Tu vois, tout qui tourne. Et puis en gros, t'as un gros col là qui tourne, que tu marches dans le cours et tu zigzags. Je te jure, c'est affreux. Oui, j'ai déjà vu leur vidéo précédente. Alors, de parce quoi qu'il y a plusieurs vidéos. De quoi parle-t-il? Cool. Oui, il y a 3 vidéos. Et là, j'ai encore la tête qui tourne. Quand je suis assis sur les chiottes, j'ai la tête qui tourne. À mort, je pense que c'est ça qui veut dire. Donc il est bourré. C'est ça. C'est vrai. Oh, mais c'est, ça date. T'as été chercher ça de 1940. 2018. Ah ouais, t'as quand même été... c'est pas bien, c'est pas bien. Ok, ok, je vais rechercher moi aussi, t'inquiète. Non, non mais... c'est vrai, j'étais mal, oui. Y a tout qui tourne. Et là, j'ai encore la tête qui tourne. Quand je suis assis sur le chiotte, j'ai la tête qui tourne. À mort. Pourquoi t'as fait 3 vidéos? On dirait vraiment, genre dans la vidéo précédente, c'est... Bah... En fait, ce que je trouve génial, c'est qu'il le raconte, tu vois, comme s'il allait laisser une trace aux générations suivantes. C'était un peu une période où j'étais encore un peu baraki, comme ça. Ah, oui, j'avais une passe. C'est fini, un peu, ça Oui, ah, clairement. Okay. T'as eu une période baraki. Ah bon? Ah bon? Bonjour. Bon, on va pas s'étaler là-dessus, hein. Je pense que t'as la réponse de Et j'ai pas vomi, au moins. Mais oui, mais alors, ah. Il parle de quoi? De lui qui est pas bien, en fait, juste. Moi, oh, ouais. J'étais okay. Pété, assis sur mes chiottes, et je lui ai envoyé un message. Bon, juste non, écouter. Non, une vidéo. On va écouter la réponse de sa fille cachée. Je suis la fille d'un pauvre, je suis la fille d'un boulot. Là, mon père cuité, je ne peux plus le supporter. Oh, pauvre gamine, non, non. Hein. Ma fille cachée. La pauvre. Ah, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la trappe que vous écoutez. On a plein de choses à faire pour vous dans cette émission. On n'a jamais fait une intro aussi longue. Mais en même temps, on était tellement content de vous retrouver qu'on ne peut pas s'en empêcher. Aujourd'hui, journée mondiale de la conscience. Est-ce que vous avez de la conscience dans l'équipe? J'espère. Ouais. J'espère, oui. Ouais. Que font les gens qui ont de la conscience? Ils lisent des citations qu'ils publient en story ou en post Facebook pour polluer nos fils d'actualité. Je vous présente l'équipe avec une citation cucu pour chacun cette semaine. Voici la première. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Résistez et votre âme se rendra malade à force de languir de ce qu'elle s'interdit. Oscar Wilde. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Aujourd'hui, on ne sait plus parler. Parce qu'on ne sait plus écouter. Jules Renard. Bonsoir Kix. Bonsoir. Ouais Kix, je te rappelle que... Pour articuler, parce que là j'essaie de faire des efforts. Mais tout pour articuler, c'est... J'ai pas le droit à une citation, moi Kix. Si, je veux aussi un truc pour toi, t'inquiète pas. Écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Friedrich Hegel. Tu vas voir, c'est l'arbre, la branche, tu vas te prendre tout de la gueule, t'as rien vu venir. C'est la trappe sur KIF. Qu'est-ce qu'on fera dans un instant? On va avoir le pour-toi de la semaine. Ah non, non, on fait plus. Non, on fait plus. Je déconne, on va retrouver l'émission Face au juge, ça va être très sympa. On a plein de surprises. L'émission s'appelle La Trappe et on est avec vous comme tous les mercredis. Bienvenue. Un verre de Skype. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Présentement, comme chaque semaine, évidemment, on va pas vous lâcher. Et une émission qu'on ne lâche plus en ce moment, c'est Face au juge. C'est vrai, mais c'est tellement bien fait en même temps. Ouais. Bon, là, c'était le dernier épisode ce week-end. Mais c'est pas grave. Nous, on s'est quand même maté les meilleurs moments et on vous a tout résumé. Quoique, là, vous allez faire la connaissance de Hervé. C'est notre gars de la semaine dans l'émission Face au juge sur TVI RTL. Ou RTL TV, je sais plus, ils ont fait des changements là-bas. On sait plus rien suivre depuis lundi dernier. Hervé passe devant le juge pour les faits suivants. On va localiser votre véhicule parce qu'on se rend compte de la présence d'un véhicule qui fume de toutes parts, disent les verbalisateurs, qui fait des étincelles et le moteur vrombit en permanence comme si quelqu'un appuyait continuellement sur l'accélérateur. C'est-à-dire que je... Attendez, quand j'aurai fini, je vous donnerai la parole. Ok. Ok. Alors... on va se rendre compte de certaines choses, c'est que effectivement vous êtes assis derrière le volant et effectivement vous appuyez en permanence sur l'accélérateur. Et votre véhicule, il faisait des étincelles, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pneus. Ah oh, bah oui, s'il n'y a plus de pneus, c'est compliqué pour rouler sur la route. Mais ce n'est pas tout, en l'interpellant, il y a eu des choses avant. Avant cela, vous avez été touché à un panneau de signalisation. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai photographié ailleurs. Oh, ben vous savez, le panneau, il s'en souvient. Oui, généralement, quand il y a la couleur de la voiture sur le panneau et inversement, c'est qu'il y a eu un truc. Bon, avec tous ces accidents enchaînés dans la soirée... Vous étiez sur la jante, vous avez circulé sur la jante et évidemment, ben, ça fait des étincelles partout. Oui, ben oui. Hein? Oui, ben oui. Ben oui, généralement, quand votre voiture fait autant d'étincelles qu'une disqueuse, il faut peut-être s'interroger avant de continuer votre route. Après, il est tellement visible, ce mec avec ses étincelles, bah, qu'il se fait forcément arrêter. Et alors, quand on vous contrôle, vous qui alliez bien, vous titubez. J'ai pas dit que j'allais bien, à ce moment-là. Vous titubez, vous n'avez aucune orientation dans le temps et dans l'espace, vos vêtements sont désordonnés, vous êtes impoli avec les verbalisateurs, vous êtes qu'une bande de merdeux. Entre autres. Oh, ça va. Oui. Ben oui, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'ils embêtent les braves gens finalement, hein? Venir vous ennuyer alors que vous n'êtes jamais que bourré au volant, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'on vous embête, hein? Ouais, il n'a que 0,82 grammes dans le sang. Oh, ça va, ça va. Oui. Heureusement, Hervé n'est pas de mauvaise foi. J'ai eu une différence de 15 jours. Vous laissez parler madame le procureur, puis vous aurez la parole. Excusez-moi, maître. Bon, je vous écoute maintenant. Vous vouliez parler, c'est l'occasion rêvée. Donc allez-y. Je suis allé chez un ami qui en réalité n'est pas un ami. C'était le frère d'une amie. Un ami qui n'en est pas un, d'accord. Oui. C'est tout. Ben, puisque vous ne me laissez pas parler, je vous laisse parler. Ben, vous m'interrompez. Ah, d'accord. Si vous êtes susceptible. La manière dont il répond, ça me tend. Ah là là, ça me. Oh là, je suis pas bien. Tu porterais pas. Laissons-lui la parole pour se défendre. Enfin, il serait temps. Vous avez quelque chose à me dire? Vous n'avez rien à me dire? Vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites exactement comme vous voulez. Non, je regrette, c'est tout. Vous regrettez quoi? De vous être fait prendre? Non, d'avoir fait un accident. D'avoir fait un accident? Vous avez des problèmes d'alcool, vous l'avez reconnu, j'ai compris que vous ne buviez plus depuis le jour de l'accident. Aujourd'hui, j'ai mes doutes, mais bon, ça ne concerne que moi. Oui, mais comme j'ai mes doutes, je prendrai ma décision en conséquence. Des doutes. Oh, bah, pourtant, le juge... je ne vois pas pourquoi il doute. L'accusé tremble autant que Renaud. Je voudrais remercier la maison de vie, la mère. Enfin bon, je ne vais pas me prononcer. La prison, est-ce que ça convient, ce monsieur? Vous n'aurez plus besoin de permis de conduire et vous risquez pas de boire. Vous serez sevré d'office pendant la durée de votre séjour. Ok? Bon, ça ne durera peut-être pas longtemps assez, c'est ça que vous voulez dire? Non, pour être sevré, je pourrais éventuellement avoir de la cocaïne ou ce genre de choses. Ah, bon, on ne sait jamais, hein. Si vous avez les moyens, vous aurez peut-être même une bouteille de whisky, mais de toute façon, vous ne prendrez pas le volant. C'est déjà ça, vous marcherez en zigzag dans la cour. Ça va, ça? Vous savez, cette attitude, mais de systématiquement répondre... Moi, ça! Il y avait des professeurs comme ça. Il aurait tenu 5 minutes face à moi. Ouais. Moi, je l'aurais déjà mis plus bactère. C'est pas possible, ça t'énerve pas, Maïva? Mais moi, je suis choquée de le ton dont on lui dit tu vas aller en prison, ça va ça? Enfin, je. Mais parce qu'il s'en fout. Mais moi, je me serais mise à pleurer. Je sais pas. C'est vraiment une situation, en fait, élève et prof, tu vois. Mais oui, c'est ça. Un conflit entre les deux. Et. Mais le mec, en fait, le juge, il perd patience parce qu'en fait, il se rend compte que quoi qu'il dise, le mec. Bon, le juge va quand même faire ce qu'on a tous envie de faire. Lui dire un peu ses quatre vérités avant de finir l'audience. Mais voyez, quand j'entends vos réactions ici, je comprends aussi ce que les verbalisateurs avaient noté au dossier quant à votre attitude arrogante, impertinente et malpolie. Connard, je suis malpoli. Je ne dirais pas que vous êtes malpoli, vous êtes en tout cas impertinent. Chacun est à sa façon, ça ne pose aucun problème. Rassurez-vous, vous n'aurez pas un euro de plus ou de moins d'amende parce que vous n'êtes pas avenant, disons ça comme ça. Ok? Voilà. Mais cela étant, je vous le dis au passage, parce que finalement, ben, chacun est comme il est, mais on peut aussi être courtois. Oui, mais t'es quand même un gros con. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Yeah. Dans un instant, le top 5. Koï Loret. Non, on prononce ça comment? Personne ne sait, là. Koï Loret. On vient de le jouer, là. J'adore ce titre et je sais même pas le prononcer. Koï Loret, quoi? Bon, faut laisser tomber. Faut qu'on arrête. Tout le mercredi des 20h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Et ça faisait longtemps, si on se faisait un petit top 5. Oh oui. Oh bah oui. Un petit top 5 spécial printemps des pires situations de quand on fait le ménage. Ah. Oui, printemps rime forcément avec ménage. Ah, tu fais que le printemps, toi? Ouais, le reste de l'année, c'est crado chez moi. Okay. J'aurais plus dit, tu fais le ménage, toi? Non, je dois dire que chez moi, c'est assez propre, je n'ai rien à dire. J'ai des animaux qui viennent nettoyer pour moi. Ah, vous avez un message à me faire passer? Ah non, mais je comptais le Kix aussi dans le truc. Enfin, j'ai jamais été chez Kix, mais voilà. Ah, bah, généralement, merci. L'hygiène corporelle reflète l'hygiène de la maison. Kix, si tu pouvais presser tes cheveux pour qu'on puisse faire des tartines après, ça m'arrangerait. Je préfère les gaufres, mais ok. Bon, ouais, de toute façon, c'est ta graisse, c'est pas perdu. Bon, top 5 des pires situations quand on fait le ménage. En 5, aujourd'hui, ma fille de 3 ans m'a demandé pourquoi je balayais la cuisine. Ah, je lui dis qu'il y a beaucoup de miettes par terre et que ça colle sous les pieds, c'est désagréable. Elle me répond, bah maman, t'as qu'à mettre des chaussons. Bah oui, c'est vrai, ça, pourquoi faire le ménage? T'as qu'à foutre des bottes. En plus, on n'est pas en printemps. C'est ça. En numéro 4, je suis femme de ménage. Un jour, j'arrive chez ma patronne pour faire mon service et elle me dit que mes sandales sont très jolies. Je réponds, oh, ça c'est juste des chaussures de ma mère pour faire le ménage. Je baisse sa tête, elle portait les mêmes. Oh merde. Oh bah, j'espère qu'elle a pas été virée. En 3, je reçois un message de ma femme qui m'annonce que ma belle-mère va passer pour dire bonjour à la maison. Ouais. Ma femme me demande donc de ranger, nettoyer, sortir la poubelle, vite fait. Ah, je suis tellement rapide que le rangement s'est fait, le nettoyage aussi, il ne me restait plus qu'à sortir la poubelle. Bon, au moment de la poser dehors, qu'est-ce que j'aperçois? Les clés de ma bagnole renfermées dans le sac. Oh le con. Je pense que j'ai été trop rapide au final. En numéro 2, 3h du matin. Un con décide à aspirer sa maison. Énervé, je dois me lever dans 1h30 et je me lève. Prêt à aller pousser un coup de gueule. C'est alors que je me rends compte que le bruit vient de chez moi. Notre chat a découvert une passion pour le ménage. Il a réussi à mettre en marche l'aspirateur. Il n'y a plus qu'à le dresser pour qu'il le passe. Bonne idée, tiens. Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est ces vidéos... où il y a un chat sur un aspirateur robot. Ah oui, c'est génial ça. C'est génial ça. Et le chat il bouge pas, il est comme non. ça. Il adore. Ouais. C'est la papa mobile du chat. C'est ça. En numéro 1, après des mois à avoir envie de me couper les cheveux au carré, je me lance. Même si mon copain n'a jamais voulu que je le fasse. Sa réaction quand je lui ai demandé s'il avait remarqué quelque chose de changé chez moi. T'as fait le ménage? Papa. Voilà, ça c'est fait. C'est le connard du jour quoi. Non. Dommage, ça aurait pu passer à la trappe pour le sujet d'après. Mais... Ouais, c'est vrai ça. Bah, juste parce que ce mec est juste un gros con. Le dit, ouais. Voilà, ça fait toujours du bien. Non, on est en 2023, les gars, s'il vous plaît, on peut plus penser ça. Bon, si on laissait tout ça de côté, parce que là, on a plus important à faire. Diffuser de la publicité. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Le New Beaugency à Blaton est une maison de repos et de soins, vous proposant la tranquillité dans un espace arboré et fleuri. Le New Beaugency dispose de 93 lits qui se sont affaissés au fil du temps, dont 4 courts séjours de plus de 25 ans, 60 lits de soins, pouf, petits fauteuils, d'une aile sécurisée, ainsi que d'une forêt, des marionnettes, un cochon et de la pluie. Au New Beaugency, vous trouverez tout le confort nécessaire au bien-être des résidents. Ils sont découpés, broyés et traités afin de se retrouver dans un divan relaxant ou un coussin confortable. Un personnel agréable qui prodigue des soins et une assistance quotidienne de qualité. Une nourriture variée et recyclée ainsi que d'une vaste gamme en alcool proposée par les adorables Vilaines. Pour toute information ou frigo bahut, contactez le 069 00 ou visitez le site www.letempsquipasse.com. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Bah, au final, un fauteuil qui s'est affaissé avec le temps, ça a son charme. Ouais, c'est sympa. Ouais. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Maëva, je suis perdu dans mes feuilles. Je pense que c'est à toi juste après. Bah non. Ah oui, Julien Droubet. Voilà. On va régler des problèmes juste après l'UJPK. La trappe, tous les mercredis des 20h. Avec Jadoul. Ah non. Sur KIF. Oh non, non, non, non. On va laisser la place à Julien Courbet. Enfin, Julien de Roubaix. Ouais, Julien de Roubaix. Il règle des problèmes. Bienvenue dans Ça peut vous arriver avec un vent d'amateurisme qui souffle ici sur nos professionnels déclassés mais néanmoins spécialisés dans la gestion de litiges. Ils sont là, à votre service depuis plus de 20 ans. L'émission qui vous aide à régler vos problèmes dans la bonne humeur avec Maître Felleneux pour vous servir, la grande avocate pénaliste et pénible qui a sorti sa tenue des grands soirs. Bonsoir Julien. Hervé Pouchoir, le négociateur qui s'occupe de dialoguer avec les parties, présent comme à chaque fois, tout ça parce qu'on n'a pas réussi à désactiver son badge. Bonsoir Julien. Bienvenue à l'émission, s'appelle Ça peut vous arriver. Je m'appelle Julien de Roubaix. Et on est mercredi, il est l'heure de régler des problèmes ici sur cette antenne et on accueille tout de suite Julie. Bonsoir Julie, elle est avec nous en studio, oh elle est ravissante. Bonsoir Julien de Roubaix. Je t'appelle parce que j'ai des problèmes. Oui, ça se voit. Comme tout le monde au final, des problèmes. Mais j'aimerais que l'on remette la locomotive sur les rails. Que se passe-t-il? J'ai des soucis avec la SNCB. Je reçois régulièrement des amendes alors que j'ai jamais pris le train depuis 10 ans. Oh, c'est une histoire tirée par les cheveux, on marche sur la tête. La SNCB vous envoie des amendes sans vérifier votre identité. Ce sont des menteurs inhumains. Oui, enfin, en réalité, c'est juste une madame qui a le même nom que moi qui se fait verbaliser. Vous avez donc un homonyme. Ce ne sont finalement pas des menteurs, mais juste des gens qui ne font peut-être pas leur boulot jusqu'au bout. Ils ont pris la première Julie qui était dans leur registre avant que notre avocate nous en dise un peu plus sur le volet légal de cette affaire. Hervé Pouchoir, je vous invite à composer le numéro. Je compte sur vous, Hervé. Oui, bien sûr, c'est un manque de sérieux de la part de la SNCB. On n'a pas le droit de verbaliser Julie sans vérifier qu'il s'agit de la bonne Julie. On appelle donc la SNCB. Ce sera une bonne affaire de régler. Si jamais entre-temps vous pouvez apporter un petit crachoir pour le chewing-gum de Julie. Ah, ça sonne du côté de la SNCB. Bienvenue à la SNCB. Votre temps d'attente est estimé à 422 heures. Ah oui, quand même. Merci de patienter. Il y a deux personnes devant vous. Bien. Bon, bah voilà, Julie, on a fait le maximum. On reviendra sur votre cas plus tard. Maître Felloneux, quelque chose à rajouter? Julia, en attendant, voici un conseil gratuit pour notre auditrice. Elle devrait tenter de contacter la SNCB elle-même, car ce n'est pas un numéro gratuit qu'on a essayé de joindre. Et je crains que ça ne fasse pas assez d'audience pour payer la communication. Vous avez raison. Enchaînons avec un autre cas, hein, si vous le voulez bien. On enchaîne avec... Mais on va accueillir notre deuxième cas. Julien, c'est Didier. Ah, Didier, bonsoir. Oh, il rentre dans le studio. Oh, quelle dégaine, Didier. Il marche comme s'il avait porté des parpaings toute sa vie. Voilà. Voilà. C'est belge, hein. Ah, la chaise résiste à 200 kilos, c'est une bonne nouvelle. Bravo aux artisans qui ont construit ce studio. Bonsoir, Didier. Ouh, Didier, il a la voix des mauvais jours. Il me rappelle cette bande-annonce. King Kong 2, avec cette voix au début. Il revient et il n'est pas content. Didier, comment vous vous appelez? Didier. Oui, la différence entre un poisson rouge et moi, c'est que le poisson rouge a plus de mémoire que moi. Quelle est votre situation? Je suis célibataire, j'ai 37 ans. Julien, je propose de passer un accord. Didier, que fait-il dans la vie? Je suis conducteur de train. Je viens ici en studio car je suis victime d'un artisan qui ne termine pas ma véranda. Oui, c'est bien, oui, monsieur, c'est bien. Qu'importe les détails pour la véranda, nous, il n'y a aucune raison que l'on n'aide pas nos auditeurs. Hervé me fait des gestes, je pense qu'il... Oui, Hervé, on va pouvoir conclure un accord hors antenne avec nos deux auditeurs. Alors, non pas entre Julie et la SNCB, mais Hervé... Mais je propose un accord entre Didier, notre auditeur, conducteur de train, qui conduira notre auditrice Julie, où elle veut, durant un non, histoire de rembourser les amendes qu'elle ne devrait pas payer, mais qu'elle payera quand même, et oui. Voilà, nous avons inventé le taxi-train, tout le monde est heureux, merci Hervé, merci Maître Felloneux. Julie, vous êtes contente? Mais non, je suis pas d'accord, je veux pas payer les amendes et encore moins prendre le train. Vous êtes satisfaite, nous aussi en plus, ils sont compatibles selon les producteurs de Mario au premier regard, donc la vie est belle, on aura même formé une famille ce soir peut-être. Ils sont complètement cinglés. Jadoul, dès 20h sur KIF. Dans un instant, Maëva, chronique, retour au sérieux. On va pas régler des problèmes, mais on va plutôt vous arranger le coup. Mais oui, si vous envoyez un email et que vous voulez annuler son envoi, eh ben c'est possible. Vous avez vu les tips qu'elle vous donne? Ouais. Un mercredi soir, comme ça, elle se dit, hop, je sers la Belgique. Mais... C'est ma mission. J'éteins ma télé. Salut, on est mercredi, l'émission s'appelle La Trappe, je m'appelle Jadoul. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Les dernières tendances, mais de quelle année? Comme dirait Julien de Roubaix. Si vous avez loupé cette séquence incroyable, c'est disponible en podcast évidemment. Comme tous les moments de cette émission et comme la minute tactile, Maëva, il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'envoyer un mail et de le regretter profondément. Oui, c'est ça. Oui, moi aussi. Souvent, c'est parce que j'oublie le fichier à joindre, en fait. Donc, je prépare tout, je relis bien, ouais, etc. La pièce jointe, et puis, j'envoie, j'ai puré les pièces jointes. Et donc, du coup, à chaque fois, je dois faire répondre moi-même à mon propre mail et mettre, je me dis, je dois vraiment passer pour une andouille. Ça ou quand tu as envoyé ton mail et que tu vois que tu as tout relu, mais au moment où c'est envoyé, tu vois la faute, tu te fais. Oui, c'est ça. Ah ouais, bah oui. C'est ça. Ou alors tu regrettes, hein. Parfois tu peux juste regretter, dire mais non, j'aurais pas dû dire ça comme ça. C'est vrai. Et donc voilà, donc il y a des possibilités sur Gmail, sur iOS et sur Outlook. Donc on va commencer par Gmail. Gmail, il faut être assez réactif parce qu'en fait, quand on envoie un email, il y a une petite notification qui dit envoyer et on peut appuyer sur annuler. Et ça ne dure que 5 secondes. Alors, vous allez me dire, il faut vraiment être très très réactif. Mais en fait, on peut aller augmenter ce temps-là si ça vous arrive. C'est un réglage. C'est un réglage en fait. Et ça peut aller jusqu'à 30 secondes. Donc en 30 secondes, on a le temps de voir qu'il n'y a pas la pièce jointe, d'en voir la grosse faute d'orthographe. Hein. Voilà, il faut se dépêcher. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres, la petite roue là, crantée, tous les paramètres, et puis aller dans la section annuler l'envoi, et on peut sélectionner là 5, 10, 20 ou 30 secondes. Voilà. Pratique. Ouais. Sur iOS, c'est plus ou moins le même système. Mais payant. Alors. Même pas. C'est aussi, je crois que c'est 5 secondes et on peut augmenter. Donc pour ça, il faut aller dans les réglages, puis dans mail, et puis il y a le délai, il y a le bouton délai d'annulation de l'envoi, il n'y a plus qu'à régler. Voilà. Alors dans Outlook, là c'est beaucoup plus sympathique parce que tant que le destinataire ne l'a pas ouvert, on peut se régaler et le supprimer quand on veut. Mais quoi? Mais comment on sait en fait? S'il l'a ouvert ou s'il l'a pas ouvert? Bah non, mais la messagerie le sait, donc ça veut dire que oui, si c'est un ça. Utilisateur si de si tu n'y arrives pas, c'est qu'il l'a. Voilà. Okay. Sinon, tu peux, autre astuce, tu peux, tu peux activer les accusés de réception. Pour chaque mail, c'est quand même pratique. Ouais, mais l'accusé de réception, je suis désolé, moi, c'est rare, hein, quand je reçois des mails avec des accusés de réception. C'est un peu violent, je trouve. L'accusé de réception sur le mail. Votre destinataire voudrait être prévenu que vous avez ouvert le mail. Oh non. Donc du coup, sur Outlook, s'ils n'ont pas ouvert le mail, il faut aller toujours dans la petite roue crantée, là, le petit signe paramètres, en haut à droite de l'écran. Puis on va dans afficher tous les paramètres d'Outlook. On va dans la catégorie d'Outlook. On va dans la catégorie courrier à droite de l'écran. Ensuite, composer et répondre dans la colonne latérale. Et puis il y a annuler l'envoi. Oui, c'est un petit peu compliqué. Alors, à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, vous avez les portes de sortie. N'oubliez pas la ceinture de sécurité. Non, mais je vous propose d'aller écouter notre podcast pour me réécouter au ralenti. Non, mais voilà, on peut supprimer jusqu'à longtemps, mais c'est technique. Moi, c'est des bonnes infos. Voilà. Ouais. Donc, vous avez compris, c'est simple. Vous ouvrez le menu, déroulant, vous glissez trois fois, vous allez sur la droite, sur le bouton de gauche, vous faites glisser un petit volet latéral. Et une fois que vous avez donné 5 euros et une radio de vos poumons, vous pouvez, à ce moment-là, accéder aux paramètres. Mais non, afficher tous les paramètres Outlook, courrier, composer et répondre, annuler l'envoi. Encore un détail? Non, c'est tout, j'avais tout dit. Ah oui, il faut pas oublier d'enregistrer. Vous avez reconnu cette petite voix sur ce titre? Oui. Justin Bieber. Exactement. J'aurais dit un petit Jadoul, mais ok. Non, je peux pas te le faire, je suis désolé. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Interview combiné. Combiné. Vous nous découvrez cette semaine, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est une interview combinée? Bah c'est simple, on prend une interview du média Combini, on garde les réponses mais on change les questions. On essaie évidemment d'être plus drôle dans l'équipe. C'est ça, on essaye. Tout le monde a préparé? Oui. Montrez vos feuilles. Moi c'est pas écrit mais c'est dans ma tête les réponses. Ouais, dans ta tête. Moi, quand mon bulletin était pourri avec des points rouges, je disais que les bons points étaient dans ma tête. Ça marchait? Non, ça marchait pas. On démarre. Cette semaine, on a une artiste. Bah, tu vas devoir le dire à un moment ou à un autre. Ah ouais, là, une grande actrice française est devenue la plus jeune personne de l'histoire du Festival de Cannes en 2013 à recevoir la Palme d'Or. Elle est avec nous. On démarre, qui fait la Palme? Allez, dis-le. Bah, c'est un mot de passe, mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Adèle. Ouais. C'est un bon début. Allez, on y va. Je vais essayer de le dire. Exarchopoulos. Je crois que c'est ça. Ouais. Ah, tu l'avais que c'est là. Je vous propose qu'on fasse la première question. Maëva. Dis, t'as rencontré le pape, qu'est-ce qu'il t'a dit? Moi, j'aime jouer avec les enfants. On commence fort. Désolé, on peut pas commencer par ça. Adèle, t'en penses quoi? Mais t'es fou. Ouais. Folle même. Bon, Kix. Docteur Maboul témoigne pour la première fois. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'aime jouer avec les enfants. Voilà. Ah ouais, ça va. Ça va. Un peu con. Enfin, faut bon, normalement c'est l'inverse, ouais. Parce que c'est les gens qui jouent avec. Mais voilà. Deuxième. Maëva. Bah écoute, combiné de Kix, il est où? Et celui qui... moi je dis ça, on est qu'à deux à jouer là pour l'instant. Hein. Déjà ton truc, et puis écoute, combiné de Kix. Ok, la déclaration de Quesada quand il s'est fait arrêter par les flics. Moi j'aime jouer avec les enfants. Oh bah dites donc, il est passé aux abus directement. Kix. Voilà. Mais Maëva, deuxième question. On doit souvent écorcher ton nom, ça doit t'énerver, genre comment t'as déjà réagi? J'ai cassé le nez de quelqu'un. Genre le tien, Jadoul. Ouais, bah moi j'ai essayé de bien le dire, Adélextra, vous boulos. Bah, Kix. Ce qu'a dit le créateur du Sphinx de Gizeh. J'ai cassé le nez de quelqu'un. Oui, le Sphinx. Le nez du Sphinx. Tu sais, le Sphinx de Gizeh, parce qu'il il s'est a cassé nez. Après, il a pas été fait sans. Mais ça, faut pas le dire. Mais non. Bah, allez. Ouais, vas-y, cherche bien, cherche. Non, mais. On a un peu ta feuille. Ouais, je peux te montrer ma feuille, regarde. Oh, vous avez la même feuille, tiens, avec ma mémoire. La dernière fois que l'un de mes employés m'a fait chier. J'ai cassé le nez de quelqu'un. Ouais, voilà. Ça va bien. Ah, c'est pour ça que t'as le nez tordu, Kix. Ouais, c'est bête. Ça. Kix. Allez. Merci. Non, essaye pas de faire de l'histoire en plus, tu vois. Mais essaye juste d'être drôle de base. Enfin, moi, je me suis fait rire. Allez, troisième question. Tu te rappelles le jour où je vous ai annoncé que j'allais passer mon permis? On est parti en fou rire. Ah, pas mal. Ah, tu finis bien. Merci. Bah, y va. Du coup, quand le pape t'a dit qu'il aimait jouer avec les enfants, vous avez réagi comment? On est parti en fou rire. Je recycle, moi. Je suis écolo. T'as bien raison. Oh là là. Adèle, t'en as pensé quoi de Maëva? Elle est super drôle. Chaque week-end, je lui disais, t'as fait quoi ce week-end? Et vraiment, elle tenait la perche, elle a des muscles saillants, etc. Ah bah oui, c'est une camionneuse, hein, faut pas l'oublier. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Dans un instant, on aura le hockey boomer de Maëva. Ouh là, ça a encore parlé d'intelligence artificielle. Toujours. T'as eu un coup de foudre ou quoi? Mais non, c'est cette année, c'est ça qui fonctionne. Stanny. On est secoué comme dans une boule de charrette, parce qu'elle dit dans son patelin. Splash, boy. Ouais, je suis le gros beauf qui désannonce les titres. Et écoutez, on fait de la radio comme on peut, hein. Et surtout comme on veut, c'est comme ça, la trappe jusqu'à 22h. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Enfin, jusqu'à 22h. Surtout dès 20h, parce que c'est la seule info fiable qu'on a. Après, on sait pas quand on finit. C'est vrai. Vous vous rendez compte que la semaine dernière, on était en best-of, on a quand même fini à 22h20. Ouais, même là, on n'arrive pas à l'heure. C'est pas finir à l'heure. Et j'ai dit à Kayev, il dit, oh, si vous voulez, pour finir à l'heure, on fait ça, ça, ça. Oh, écoutez, vous avez tellement habitué les gens à ce que l'émission elle fasse une demi-heure de plus que si on arrête, les gens seront perdus. Bah, tant mieux. Oh, bah oui, tant mieux au final. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, boomer. La séquence épileptique de la semaine, Maëva aux commandes évidemment, ok boomer, on va parler d'une intelligence artificielle encore. Alors j'ai une bonne nouvelle, Jadoul, Kix, pour vous, oui. Vous allez enfin réussir à pécho. Bon, j'ai pas de problème. Mais on t'emmerde. Mais... j'ai une copine qui est casée, je suis bien. Oui, enfin. Oh. Mais... non, pardon. Allez. Je sais pas si je peux même plus vous vanner. Non, mais c'est une intelligence artificielle, en effet, qui vous permet de matcher, d'avoir des rendez-vous avec des filles sur Tinder. Ah, oh, mais des vraies filles ou des... Non, des vraies filles. Donc, okay, d'accord. Donc en fait, ça fait... Donc, vous voyez le principe de Tinder. Oui. Voilà, on match. On swipe. Et puis après, on peut parler ensemble sur une conversation. Et là, c'est la machine qui va reprendre à votre place la conversation. Et ça va vous permettre d'avoir des... Ça va bien draguer pour vous, Askip. Ah, c'est super bien pour les gens qui ne savent pas s'exprimer. Donc en gros, la machine est plus intelligente que toi et au lieu de faire salut, ça va? Oui. Il y aura une discussion un peu plus élaborée. C'est ça. Mais comment est-ce que la machine peut reproduire ta personnalité? C'est ça moi qui me fait flipper. Alors déjà, c'est marrant parce que la machine, c'est un charreau parce que ça ne fonctionne que pour les hommes hétérosexuels. Ah. Tu peux pas être une fille et l'utiliser, tu peux pas être gay et l'utiliser, c'est que pour les hommes, pour les femmes. Ça s'appelle CupidBot. Quoi? Et ça, Cupid comme Cupidon, ouais. Bot comme un chatbot, parce que c'est un peu le même principe que tous les chatbots dont je vous ai déjà parlé. C'est vraiment une conversation, tu donnes quelque chose et elle te répond avec intelligence, entre guillemets. Et j'espère que c'est pas payant, parce que si ça s'appelle Cupid. Mais non. Si. C'est $15 par mois, soit plus ou moins 14€. Bah écoute, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Imagine, tu fais un tête à tête avec la personne. Attends, parce que j'ai pas mon Cupid bot sur moi. Voilà, vas-y. Ah non, mais non, quand t'es en vrai, tu dois te débrouiller à partir de ce moment-là. Ouais, mais c'est que la partie message. Voilà. Ah là là. Alors ça pose quand même des questions niveau éthique. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas ouf quand même parce que tu mens un peu à la personne, quoi. Oui, c'est, enfin, un peu beaucoup même. Il y a eu dans l'actualité ces derniers jours un petit truc un peu triste. Voilà, quelqu'un qui a mis fin à ses jours parce qu'il s'est rendu compte au bout de tout un temps que c'était ça l'histoire. Hein, que, c'est ça. C'est ça que c'est un robot qui parlait. Voilà. Il s'est rendu compte que ça faisait plusieurs semaines, voire mois, qu'il parlait avec un robot. Et forcément, toi oui, t'arrives à matcher la fille parce que tu utilises ça, t'es content, mais l'autre personne en face, forcément, elle s'attache en fait. Ah bah oui. Et après tu te rends compte que ça n'existe pas. C'est ça, et alors tu te rends compte que la personne qui paye le robot n'a pas la personnalité que le robot a créée pour toi. Et alors voilà, mais toi t'es amoureuse et quand on dit en fait, ben non, c'est peut-être amoureuse de personne, t'es amoureuse d'une intelligence artificielle, ben je comprends que ça doit être assez hard. Bon, ça fait des années que je parle à ma machine à laver, je le vis pas mal, hein, perso. Ouais, sauf que ça te fait gerber quand t'es. Ouais, genre... quand ils font l'amour, ils se mettent en mode essorage. Oh non! C'est trop rapide pour moi! Je vais oublier la soupline! Oh, mais vous êtes. Pardon. Donc l'amour à une machine, tu disais. Moi, j'ai jamais allé vous. Si, si, si, on l'entend. Non, mais pour résumer, pour faire court, parce que évidemment, on n'est pas à l'avance. En gros, il y a des intelligences artificielles qui sont capables de draguer pour nous et faire c'est tout ça. Le sale boulot de dégrossir dans la foule et c'est aller ça. À la conquête de Nana. Et après, tu peux reprendre la main sur la conversation. Ah oui, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un truc que tu couples en fait à Tinder et ça le fait à ta place, mais toi, t'as toujours accès. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas prêt à le faire. Moi. Quand tu reprends la conversation, ça fait Ingrid, est-ce que tu baises ? Jadoul et son équipe dans la trappe. Oh là là, le FaceTime de Kix arrive dans un instant. On va jouer, mon vieux. Yes. Oh là là. Craig David, justement. Craig David ? Ouais, ouais, vous rêvez pas, hein. Il est de retour. Oh non, mais moi, j'adorais. Mais je savais pas qu'il avait repris. Moi, j'étais restée à Seven Days dans les années 2000. Ah ouais, non, là, il est de retour. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en trois manches. Oh. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Bon, d'accord. Ah. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. On passe tout de suite à la première personnalité. Est-ce que vous êtes prêts? Bah, on attend. Magnifique. Evelyne, sur ma vie, ouais. T'as morflé. Oui. Cyril Hanouna. Mais merde, on vient de commencer. Bah, attends, moi j'ai entendu un alien et toi t'as entendu Cyril. Enfin, c'est pareil. Bah, deuxième indice pour Maëva. Ouais, deuxième indice. En 2003, vous remplacez Michael Youn dans le Morning Live d'M6. Ouais. Et vous restez pas très longtemps sur M6. Voilà, il n'y a pas plus. Le 3. J'aurais dû commencer avec celui-là. Ouais. J'aurais jamais trouvé. Ah voilà, et puis il y avait un j'aurais bonus, jamais trouvé. C'est pas bonus, vas-y. Bonus, allez, bonus, c'est magnifique. Et hey, Evelyne, sur ma vie, il y avait juste pas l'effet. Ah voilà. Mais c'est quand même. C'est, ok. Bon, on passe tout de suite à la deuxième personnalité. Je suis désolé, j'ai déjà niqué gagné. Sa non, première c'est manche. C'est pas grave, c'est. Avec plaisir. J'ai bossé pour rien. Ça va s'arrêter un jour. Ah, c'est compliqué, hein. Et je me suis pas amusé à faire ça pour rien. Oui. Non, mais. Attention, quoi, hein. Si tu crames déjà dès le départ, ça va pas c'est le faire. Life. C'est un peu dur quand même. Est-ce que ce serait Jean-Luc Reichmann parce que c'était les 12 coups de midi à table? Il a calculé, c'est pas possible. Oui, du coup, c'était bien ça. Bonne réponse. Avec le deuxième indice. Quelle horreur, quel dégoût. Ah, c'est stéréo, hein. Ah ouais. Ah, j'ai mis un effet, puis troisième indice. La brigade des mineurs. Voilà, la brigade des mineurs, Léo Mattei. Il est de retour avec une nouvelle saison. Je suis en train de ressentir ce que Kix ressent pendant les blind tests. Ça fait mal. Horrible. Non, mais vous savez quoi? That's life. Et je l'avais dans les bonus. That's life. Ça avait même bien de meilleure qualité. Oui, écoute, on fait avec les moyens du bord. Hein. Troisième personnalité. Un professeur dit au revoir à leurs élèves parce qu'il va les quitter définitivement et tous les élèves sont tristes. Et qu'est-ce qu'ils voient dans le ciel apparaître? Une cigogne avec un gros soulier derrière elle et dans le soulier, marée rose. Ah ah! Vous avez des idées? Aucune. Aucune idée? Quelqu'un qui prend de la drogue? C'est une bonne réponse, mais c'est pas ça. Une bonne réponse. C'est une bonne réponse. J'ai failli dire c'est une bonne idée. Deuxième. Allez, deuxième extrait. J'ai pas, non. Moi je m'amuse en tout cas. Je fais ça. Toujours pas? Non. Troisième extrait? Cassine, c'est ma cousine. Cassine, on est voisine. Quand je m'en vais voir ma grand-mère hier. Non, mais la meuf qui fait des chansons pour les enfants. Ouais, donc. Ah, vrai, comment elle s'appelle c'est... Non, c'est. Vas-y, tente un truc. Mais oui, Dorothée. Non. Non, non, non, l'autre. L'autre. C'est l'autre. Annie Cordy. Non plus. Ah, je sais pas. On va y arriver peut-être un jour, attention. Bon, je vais buzzer. Ouais, vas-y. Chantal Goya. Eh bah, ben, c'est une bonne réponse. Ah, grande victoire pour Jadoul. À mort et mal. Ah, pour une fois, je vous mets à la raclée, là. Oh Kix, il a je vous mets la raclée, bah merci. Bah attends, toi, t'es, c'est vrai. Tu pleures parce que j'ai bousillé tes trois manches vite fait. Et Maëva ressent pour la première fois le sentiment de la défaite. Ah, elle est pas contente. C'est horrible. Hein. Non, parce que je perds souvent en FaceTime, mais jamais aussi violemment. Ouais. Je sais pas, j'étais chaud cette semaine. En fait, je pense que le fait de ne pas faire de radio la semaine dernière m'a créé des carences. Ouais, ça t'a remonté un peu. Ouais. Ouais. 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Avec Maës. On écoute maintenant. Dans un instant, on aura Jean-Michel qui sera là, le troquet de retour, et puis les infos qui passent à la trappe, ce sera dans l'heure 2 avec Radio Falmioul. Bienvenue, on est là, comme tous les mercredis. Les keufs viennent. Dès 20h, c'est la trappe. Énorme. Non, non, non, rappelle, rappelle, c'est vous. On est là. Mercredi dès 20h, c'est Jadoul sur KF. Et j'ai parlé au seul moment où le mec parlait dans le jingle. On est quand même des champions. Oh, un métier, ça s'apprend, hein, tu vois. Et c'est quoi, là, ces boutons en face de moi? Attends, mais je découvre, hein, je vous ai dit, moi, je suis... Le manuel. Le manuel, attends, si je pousse là-dessus... À quand un retour à la normale? Un retour à l'ordre? Oh, ça, oula, pas près d'arriver. Un petit peu trop sérieux. Allez, bienvenue dans un instant. La séquence préférée de Maëva, Radio Falmignoul. On aura aussi son nouveau rendez-vous. On ne sait pas ce que ça va donner dans l'émission. C'est le « Fallait nous le dire plus tôt ». Ouais. En fait, je sais pas non plus ce que ça va donner, donc je sais. Est-ce que tu peux déjà nous donner l'intitulé qu'on commence un peu à réfléchir? Non. Voilà. Mais ça, non, parce c'est que j'ai déjà peur que vous trouviez trop vite. Bah, lance-le. D'accord. Et tant mieux si les gens ont la réponse. Nous, on va pas. Donc je dis ce que je vais faire deviner. Ouais. Ok. Les petites tables qui est au milieu des pizzas quand on les prend emportées. Bah, ça sert à quoi? C'est pour qu'on attende le temps que la pizza arrive. Mais c'est non, ça. Non, la pizza. C'est pour les souris, pour que les petites souris mangent. Mais non, les mini tables, les petits trucs là qui ont la taille d'une main. Bon. Ah, les petits trucs en plastique au milieu de la pizza. En plastique, oui, on dirait des. Ah oui. Moi, ça, je pense que... ça a même un nom, c'est les. Attends, les pizza saver. Ah, saver. Oh, bah. Saver. Saver. Non, mais on dira pas plus. Je dirais pas plus parce que. Voilà. Ouais. Voilà. qu'est-ce qu'on fait, Kix, maintenant? On fait les infos qui passent à la trappe. Oh, parfait. Le week-end dernier, une cloche de bronze de 600 kilos a été dérobée. Alors, dérobée. Je vais dire ça à l'auteur qui a écrit ce texte. Dérobée. Oula, ça a été écrit D-E-R-O-B-E-Z. Dérobée. À mon avis, ouais. Ils ont repris le pinard. Je pense qu'ils n'ont pas pris que la cloche. Bon, une cloche de 600 kilos en bronze a été volée par des voleurs. Et elle se situait dans les environs du parvis de l'église de la Haye-Pasnel. Je crois qu'on dit ça comme ça. C'est dans le département de la Manche, en Normandie. Bref, là où chez les voisins français. Et ce vol inhabituel laisse place à de nombreuses discussions dans la commune. Le maire a directement porté plainte. Bref, le mystère est entier. Comment est-ce que 600 kilos de cloches peuvent être volés comme ça d'un coup? Ouais. Bon, j'espère que ce studio est bien sécurisé, hein, parce qu'imaginez si on vole mes grosses cloches qui me servent d'équipe. Merci. Non mais ça va, je rigole. Bon, non, sérieusement, avec une cloche de 600 kilos, il est possible que les que les voleurs soient repartis à cloche-pied. Ah. Oui, ça va, je... suivante info. Un petit déjeuner dans le noir, ça vous tente? Oh oui, pourquoi pas. Dans la région du Pays de la Loire, le musée du château de Mayenne, qui participe au mois du tourisme et du handicap, propose parmi de nombreuses animations un déjeuner dans le noir. Ben, dans le noir. Si ça vous intéresse, c'est le jeudi 6 avril, hein, donc c'est-à-dire que bah, c'est demain. Il reste encore quelques places. Hein. Moi, ça m'a donné une idée. Imaginez si un jour on fait cette émission dans le noir. Attention, on descend, on... Bienvenue dans la trappe, voilà. Alors, on a éteint la lumière, hein, donc on va essayer de faire cette émission. Je... Oh, merde. Attendez, je... Oh, Ouais, je vois plus les boutons déjà que j'ai du mal avec la lumière. Bon, c'est pas grave, rallumer, merci. Oh, laissez tomber, vous savez quoi, on va pas en parler, on va pas faire cette émission dans le noir. Mauvaise idée, messieurs, dames. Dernière info, est-ce que vous connaissez Gwenny et Marino? Pas du tout. Non, bah, je suis sûr que vous savez, c'est une famille originaire de Staden, en Flandre. Elle compte un total de 12 enfants. Oh la vache. Ouais, bah, comme les bonnes résolutions, ça s'oublie vite. Ils s'étaient assurés de rester à 12 enfants. Sauf que la vie, on a décidé autrement. Et un 13e enfant est né. Ouh, un nouveau-né. Et ce n'est pas tout, parce que chaque enfant porte un nom très particulier. Ils ont utilisé une base de 4 lettres pour composer toute la famille. Xela, Alex, Axel, Lexa, Xael, Xla, Axl, Lags, Xael. Ah la vache. Ah non, mais c'est un jeu, en fait. C'est décidé. Moi, le jour où j'ai des enfants, je les appellerai Jadoul, Loujad, Oujulal, Ajdoul, Ajdoul, Ludoja, Laojdou. Oh, bon, non, là, c'est trop compliqué. L'idée... Allez, on n'en parle plus, c'est fini. Dès 20h, c'est la trappe. Mais en fait... L'émission qui vous accompagne le mercredi soir, c'est... Oh, y a personne qui suit. Mais bah, merci. C'est la trappe. Ouais, dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Regardez, il y en a un qui est malade, il y en a un qui tire la gueule. C'était Radio Falminio, là, enfin. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais... Bon, il faut dire que Maëva est un peu malade. Hein. Ah, ouais, je suis au bout de ma vie, j'avoue. Je t'ai jamais vu faner. C'est spécial de te voir faner. Ouais, je sais, bah oui, je sais pas quoi dire. Pour rien dire, dans un instant, tu vas nous faire jouer avec le « Fallait nous lire plus tôt ». Yes. Cette grande séquence, on va découvrir pourquoi est-ce qu'il y a une petite table en plein milieu des cartons de pizza. Quand on en commande une, l'explication n'est peut-être pas celle que vous pensez. C'est vrai. Elle va nous brainer, vous allez voir. Ou alors, ça va être un truc évident, on va faire... Ouais, on le savait, bah, ma vieille. Vu que c'était le... En fait, je vais vous en faire découvrir deux, et vu que c'est le premier, il est un peu facile. D'accord. Mais le deuxième, vous trouverez... C'est pour voir le niveau de la classe. C'est une mise en bouche. Bah, disons que je savais les deux élèves que j'allais avoir en direct, donc... Ça va, c'est bon, ouais, on connaît, bon. Voilà. Deux autres gens particuliers. Ouais, c'est nos deux copains de Radio Falminioul. Alors, on fait pas les fiers, nous, avec notre studio provisoire cette semaine. C'est vrai, mais c'est une première. C'est une première, on a du son, voilà. On a les musiques, on a tout ce qu'il faut là où il faut, et ça résonne peut-être un peu, mais ça fonctionne. Et on a fait en express. Oui. Il faut se dire que du jour au lendemain, on dit, bah t'as, voilà, t'as pas accès, donc... Ouais, on a plus de studio là, donc on s'est retrouvé à la rue, on a créé un studio là de 4 places, comme ça, en 4 jours. Au milieu d'un rond-point. Au milieu d'un rond-point, c'est pour ça qu'il y a des klaxons de temps en temps. Voilà. C'est très sympa. Tout comme Radio Falminioul, tous les amoureux de radio vont reconnaître. Je sais même pas ce qu'ils font cette semaine, on va découvrir. Bon, alors là. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait une déloc au ski. Nous sommes toujours en direct de Falminioul avec Guy, en direct, lui, de la montagne. On va réessayer de faire la liaison. Guy, René Porgy, tu m'entends? René Porgy, tu m'entends? Oh, mais t'es toujours en train de crier? Ah oui, je suis ici toujours en haut en direct des pistes, seulement la neige fond un peu autour de moi avec tout ce matériel dernière génération pour faire la liaison. Peux-tu faire le point pour nos fidèles auditeurs de la 97.8? Bien sûr mon cher, il fait froid. Merci. C'est tout? Bah oui. Ça fait un peu cher pour un point météo, ça, quand même. Guy, offre-nous un peu plus pour l'antenne, s'il te plaît. Fais-nous vivre tout ce qui se passe là-bas. Je peux chanter, d'accord? Attention. Quand je reverrai ça, pays merveilleux. Non, stop, merci, c'est bon. Autre chose, je sais pas. Descends la piste. Non, René, j'ai peur. C'est une piste verte. Guy. T'as tes skis? Bah oui! C'est l'équipement complet, mon vieux! Alors, plus d'excuses, tu fais la descente avec nous en direct à la radio. D'accord, mais bon, j'ai beaucoup d'équipement radiophonique sur moi, ça va me déséquilibrer! Arrête, hein, c'est des excuses pour ne pas le faire, tout ça. Tu te dégonfles encore. Bon, ben je me lance alors. Hein. Rentabiliser son assurance invalidité. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Oh, il n'y a plus de limite. Non, mais même entre eux, ils se tirent dessus maintenant. Ouais, mais c'est dingue. Oh, ouais. Bon, alors oui, rentabiliser l'assurance, je veux bien, mais se foutre une tôle à la montagne, il y a quand même rien de pire. Même eux font des délocs jusque dans la neige. Non, mais moi, je peux te faire une déloc sur mon balcon. Ça, c'est le maximum qu'on puisse faire dans le budget. Affaire à suivre. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Et Kelpi ? Non, Kipi, Kelpi, Kelpi. Bon, bref. Kelpi, voilà. Merci madame. Bon, c'est pas qu'on a que ça à faire, mais il y a du pain sur la planche. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? Jamais. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Une soupe au poireau. Oh, ça faisait longtemps ça. Bienvenue. Vous découvrez maintenant une nouvelle séquence qui s'appelle le Fallait nous le dire plus tôt. Maëva, je pense que tu dois nous faire deviner un truc du quotidien, mais dont on n'a pas l'explication. Voilà, c'est ça, des trucs qu'on a tout le temps près de nous, mais en fait, on les utilise mal ou on ne sait pas à quoi ça sert, et voilà. Alors, messieurs, vous... Non, c'est pas grave. Maëva, c'est donc, je pense, en rapport avec la pizza. Oui, alors je vais vous en faire découvrir deux. Le premier, j'ai déjà un peu expliqué. C'est l'espèce de petite table en plastique, souvent blanche, au centre de votre pizza quand vous les recevez. Oui, je vois, je vois. Voilà, ouais. À quoi ça sert exactement? Est-ce que c'est là pour faire joli? Alors moi, mon hypothèse, c'est... Comme c'est généralement des marques un peu industrielles qui mettent ces petits trucs au milieu de la pizza, parce que c'est rare, généralement l'artisan il vous le met pas. Le ouais, si. Ah si, bah. Bon, je sais pas. Bref, moi ma théorie c'est que, alors ça, vous allez trouver ça glauque, mais c'est le truc qui sert à la machine qui étale la pâte. Ouais, la pâte. Et que au final, on le laisse comme un peu l'artiste laisse son crayon. Ah ouais. Okay. Tu vas beaucoup d'accord. Trop loin. C'est beaucoup plus simple. Ou alors, que ça. C'est des petites buses d'air pour. Comme chez Pizza H. Ah ouais, en plus des trous qu'il y a sur le côté des boîtes. C'est ça, pour souffler dans la pizza et lui donner cette espèce de grosse pâte dégueulasse autour. Je déteste les grosses croûtes. Ou alors, c'est pour quand tu retournes la pizza qu'elle tienne debout sur la table. Ah ouais! N'importe quoi, tu te rends bien compte. Non, que mais ça va faire un petit chapiteau. Ouais, bah il faut s'imaginer après, voilà, je suis pas Newton. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, ça sert okay. À quoi alors? Bah, c'est beaucoup moins technique que ce que vous allez chercher. En fait, c'est juste que, enfin, vous le remarquez, vous ne l'avez jamais quand c'est servi à table, c'est vraiment quand c'est en boîte à emporter ou en livraison. Oui, parce que je serais capable de le manger. Non. Et donc du coup c'est là parce que souvent il y a du transport, du coup la boîte bouge, elle peut être écrasée et c'est juste pour que la garniture ne colle pas au carton. Okay. Et avec la chaleur, la condensation, ça colle. Ah, et t'ouvres la boîte, t'as toute la garniture sur le couvercle, tout le jambon sur le couvercle. C'est ça. Ouais. Et là il te reste plus que la pâte, c'est juste pour ça. Ah ouais. Bah, au moins, ça a quand même son intérêt. Quand tu as sur le couvercle, moi ça te fait deux pizzas. Bah, ouais, mais bouffe pas le carton, Kix. Je sais que t'aimes bien manger les emballages. C'est pas mal. Sans déconner, ceux qui commandent une pizza ananas et qui voulaient pas les ananas dessus. Ils enlèvent la petite table. Ils enlèvent la petite table, ils referment la pizza, ils réouvrent et généralement l'ananas c'est ce qui va rester collé sur le carton. Exactement. Et du coup, ça s'appelle un pizza saver. Wow. Saver en anglais. Mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me disais ça va faire un indice, mais en fait, pas du tout. Et qui a inventé ça? Monsieur Siever. Ok, merci Maëva. Deuxième. C'est pas grave, deuxième. C'est pas grave, on sait pas qui, quoi, comment. Moi je voulais juste savoir si ça remontait. Moi, alors c'est un gars à Long Island dans les années 80. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Ah bah tu vois, c'est bien comme info. Mais j'ai plus son nom. Voilà, on se fait le deuxième, c'est pas grave. Alors. Le deuxième, c'est un peu plus. J'espère que vous allez comprendre. Vous voyez les Cathy cabines, les petites, les toilettes de chantier. Les toilettes qui est en festival, qui est à côté des chapiteaux. C'est ça. Sur le dessus, si on regarde bien, il y a comme une. Ça ressemble à une cheminée. À quoi ça sert? À faire du feu quand il fait froid l'hiver. Absolument pas. À zioter les gens qui font à l'intérieur. Oh Ah non. Ah, c'est peut-être non. pas ouvert. Ah non, non, c'est vraiment, on dirait vraiment, ça ressemble à une cheminée, un espèce de petit cylindre là, ouvert okay. sur le haut, au sommet. Ou alors. Sur le toit de la pour... cabine, et il y a toujours ça. Pourquoi ? Moi, pour je gazer pense... les gens qui sont à l'intérieur. Non, je pense que c'est. Oh, c'est pas bien ça. Non, que, par exemple, c'est quand tu joues à la voiture tonneau avec ta cabine. Eh ben c'est pour que le caca s'en aille, pour pas que toi tu sois noyé de caca à l'intérieur. Mais n'importe quoi. T'as jamais vu des gens faire des concours en fait, de roulé-boulé de caticabine? Ah c'est ignoble, hein. Ça c'est un gros baptême. C'est pour quand ça déborde de trous en fait que t'as encore un petit endroit pour respirer. Ah oui oui, c'est un appel d'air. Ah je me rapproche un peu, ouais. Faut savoir que ce trou, si tu regardes quand tu es à l'intérieur le plafond, tu ne le vois pas. C'est vraiment un tuyau qui part de, bah, la réponse est là, et qui va jusqu'au plafond et qui est ouvert sur l'extérieur. Ah, c'est pour pas que ça pue quand on est dedans. C'est ça. Oui. En fait, souvent, quand on va dans les caticabines, les toilettes de chantier, sur les festivals, ça pue, c'est affreux. Alors, ça, c'est parce que les gens font à côté. Oui, en partie. Oui, mais pas toujours, mais oui. Mais en fait, si on ferme la planche, eh ben, avec ce petit conduit-là, ça serait censé ne jamais sentir mauvais. Ah. Mais on a toujours tendance à laisser la planche ouverte. Donc, mesdames et messieurs, si vous faites des festivals cet été, fermez les toilettes. Parce qu'il y a un système inventé auquel on ne pense jamais. C'est ça, c'est pour faire partir les mauvaises odeurs. Magnifique. Mais non. Je ne sais pas comment va évoluer la situation avec KIF pour qu'on récupère leur studio, mais dans notre studio provisoire, s'il n'y a pas de ventilation, s'il n'y a pas d'appel d'air, s'il n'y a rien du tout, en été, les gars, on va crever. Je vous le dis, prévoyez des glaçons, une petite clim portable, un ventilateur, un truc, mais là, on risque de ne pas rester entier. Merci Maëva. Avec plaisir. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Maëva, pourquoi tu lui as donné notre nouvelle adresse? Ah oui, parce que en fait, je vous explique, il y a un contrat de confiance entre moi et Jean-Michel. J'ai mis un AirTag sur Jean-Michel pour le retrouver quand il fait des excès, dirons-nous. Et Jean-Michel, en échange, reçoit des nouvelles un peu de ma part. Et bon, il a trouvé l'adresse de notre studio provisoire. Et donc, on va le retrouver. Allez, rentrez dans le studio. Bonsoir Jean-Michel. Oui, allez-y. Bonsoir, pardon. Oh, c'est bon ça. J'ai jamais vu quelqu'un mettre un aliment dans sa bouche et en faire tomber autant dans sa gorge que sur son pull. Heureusement que c'est... Ah, c'est un tricot, ça fait velcro avec les miettes. Bon, si je peux me permettre, c'était pas méchant, mais vous devriez faire un peu attention à vous. Vous commencez à avoir un peu de... Dans bon point. Oh non, t'es sûr que c'est bon, ça. Allez, donnez-moi... On s'en joue bien. Mais c'est un cornet de frites en plus, mais ça sent super bon. Arrêtez, on a déjà la dalle ici dans ce studio et puis on mange pas dans un studio de radio tout court, en fait, Jean-Michel. Je m'en fiche. En tout cas, je regarde la mission là, en belge, là, tu sais, sur la friterie. Oh, je peux les faire moi-même en plus. Et hop, oh, ça dégage, votre bordel, on s'en fout. Hop, voilà, je vais faire un peu de place pour ma friteuse. C'est une blague. Oh, regarde ça comme elles sont en train de dorer. Oh, c'est magnifique, ça, bonjour. Mais enfin, Jean-Michel, vous n'écoutez rien. Éloignez-moi cette friteuse sur le champ. En plus, cette émission dont vous parlez de friterie et tout ça, ça appartient à une autre radio concurrente. Très bien, mon Jadoul, vous l'avez voulu. Et je l'évite sur la fête. Mon Dieu, Jean-Michel! Jean-Michel, vous êtes... Acteur studio. Jean-Michel, vous êtes propulsé au fond du studio. Jean-Michel, on ne jette pas de l'huile sur le feu. Ne recommencez pas. Vous ne recommencez pas, s'il vous plaît. Jean-Michel, vous en faites pas un peu trop, peut-être? Ne seriez-vous pas dans l'excès? À ne jamais écouter ce que je vous dis. Vous vous rendez compte, vous avez foutu le feu à notre studio provisoire. Bon, on va évacuer. On revient dans un instant. La trappe, ça continue. Je suis juste après ça, quoi. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Oui, ce qu'il en reste, hein. Kix, va couper cette merde. Je sais même pas si j'y arriverai jusque-là. Ah, on va attendre que les pompiers arrivent. Hein. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Qu'est-ce que c'est? Dès 20h sur KIF. Parler tech? parler transport en commun ? Ouais, connais pas. Non, je ne vois pas de quoi on parle. Maëva ? Ah pardon, il faut la laver. Maëva ? Oui ? Ah, oh là. Et je l'ai jamais vue avec les yeux si fermés. Oh non, elle a des yeux encore, elle me regarde. Ah oh, ça va, tout va bien. Tout va peur. Bien. On va jouer, ça faisait longtemps, le jeu du combien ça mesure. Oh, voilà. Yes. C'est bien parce que ça nous donne un petit peu, vous savez, ça nous aiguise l'œil. C'est vrai. Mais pleure pas Maëva, ça va ? Mais non, ça va. Non, t'es pas bien. C'est parce qu'elle sait qu'elle va perdre. Ouais, j'ai vraiment pas bien. Ouais, non, c'est la fin de la journée là. Tu veux un petit dafalgan, un petit truc ? Alors, je suis déjà shootée, j'ai déjà pris 3 ibuprofènes et 2 dafalgan aujourd'hui. On rappelle que les drogues ne sont pas... C'est ça. Attendez, j'ai Pierre Palmade qui m'a laissé un petit message. Ah, c'est très bien ce qu'elle fait. Merci Pierre Palmade. Non, mais j'ai commencé à 6h du matin parce que je ne dormais pas tellement. À te shooter ? À me shooter, ouais. Donc du coup, si tu comptes les heures, en vrai, ça va. Hein. Énorme. Allez, le combien ça mesure, on y va. Kix ? Oui. La hauteur du drapeau tricolore de l'Arc de Triomphe. Tu vois l'Arc de Triomphe ? Ouais. À Paris. Ouais, il y a un drapeau. Il y a un grand drapeau qui pend en dessous. D'accord. Jusqu'à la flamme en dessous. Il fait 87 cm. Plus ou moins ? Moins. Il y aurait moins. Ouais. Moins. Ouais. 87 cm. T'as déjà vu la taille d'un arc de triomphe ? Non. Bah oui, non. Mais je. Oui, non. J'ai fait le calcul. Mec qui est à côté de la plaque. Ouais, je suis désolé. Il fait 106 cm ce drapeau. Ah la vache. Ah ouais, ouais, ok, je suis complètement. La différence, non, bah, t'es pas si ouf. Bah, 106 cm, c'est pas mal pour un drapeau, hein. Non, mais par rapport à 87, tu vois. 87, 106, c'est quoi ? Mais ouais. C'est chiant. Deuxième. Justement, Maëva, diamètre d'une pizza Domino's normale, 35 cm. Moins. Moins ? Attends. Qu'est-ce que. Diamètre ou rayon ? Oui, diamètre, attention. Le mes cours diamètre. De géométrie me font coucou. Pas le rayon, oui, le diamètre. Oui, le diamètre, donc le total, ok. Moins, c'est 30, je pense. 35, c'est la plus grande. 30 piles. Bonne réponse. Tu vois la consommatrice. Qui que ça va te parler ? La superficie du Luxembourg. Ah 2000, bah oui, bien sûr. 2365 km². Ah. Bon. C'est-à-dire que j'aurais dit plus, mais. Plus ouais, que plus, ouais, 2365, c'est un petit pays. Mais ça va. En kilomètres carrés. Oui, bah, mais j'avais déjà à côté de la plaque. Hein. J'ai envie de faire plaisir à Maëva. Bonne réponse. C'est vrai ? Ouais. Désolé Maëva. 4. Une célébrité, la taille de Benjamin Castaldi est de 1m67. Plus ou moins ? Moins. Moins qu'1m67 ? Je sais pas. Tu le vois tout petit ratatiné ? Bah, je sais qu'il est petit, mais voilà. 1m77. Il est plus grand que moi ? Il est plus grand. Ah, c'est vrai ? Yes. Les cônes de chantier les plus utilisés, les plus courants, ont une hauteur de 20 cm. Plus ou moins ? Moins. Cône de chantier. Attends, combien t'as dit ? 20 cm. Ah, plus. 50. Bravo. Ah oui, 10. Ah ouais, j'avais pas. J'étais pas là. C'est dans le monde de. Des bisounours. La dernière, Maëva. Je compte sur toi. Attention. Une poule mesure en moyenne 32 cm. Plus ou moins ? Une poule. Attends. 32 cm. Ouais, une poule. Debout ou assise ? En moyenne. Bah, une poule, quoi. Tu fais pas chier. Je regarde par rapport à ma jambe, mais j'essaye de... Parce qu'elle shot dans les poules, alors. Mais non, rien à voir. Ma meilleure amie a deux poules. Elle s'appelle Hey et Hey. Et voilà. Et parfois, elle vient de chez Ikea ou... Non, mais c'est Hey et Hey. Hey. Enfin, bref, c'est la blague. Il y avait une blague, mais je la comprends pas. Mais... En fait, dans Vaiana, il y a le poulet, il s'appelle Hey. Oh non, hey, ok, laisse tomber, okay. Ouais, c'est bon. Allez, une poule mesure en moyenne 32 cm, plus ou moins ? Plus. Ah. 35 cm, effectivement. Moi, j'ai un peu peur de me faire un jour courser par une poule parce que je ne pourrais pas shotter dans la poule par respect animal. Mais du coup, bah, à part me faire picorer, ouais. Qu'est-ce que je peux faire ? Courir. Bah oui. Bah t'as pas l'air très vite. Bah tu cours, bah, tu cours. D'abord tu marches alors et puis. Ouais, bah merci. Bah tu fais du cours. Bruit, tu claques des pieds, elles vont avoir peur. Hein. Tu fais. Ouais. On va parler de sort antenne, ça vous va ? Allez, parfait. Dans un instant, le certifié, on va se perdre sur internet et le Blanket sera là aussi. Dès 20h, c'est la trappe. Non, mais attendez, là, il faut qu'on revienne deux minutes sur le jeu de juste avant. En fait, Notre huissier de justice, c'est qui d'ailleurs? Ça maîtrise pas, c'est toujours cet espagnol. Moi, je suis toujours là, mais je viens d'arriver, j'avais un peu de retard. Ça a été dans l'ascenseur? Si, t'es super, mais j'ai failli rester bloqué. Ok, bon. Et bah, je suis pas le seul, parce que j'ai pu comprendre. Oui, Maëva est aussi bloquée dans l'ascenseur de ce nouveau studio. Ah. Non, mais heureusement que j'étais là, je l'ai sauvé de l'ascenseur. J'ai paniqué, mais oui, en fait, je crois que j'ai voulu ouvrir trop tôt, et donc ça s'est bloqué. Donc je t'ai vu, il y avait une mini vitre un peu opaque. Et... Ouais. Ah, cherchez balance. J'appuie sur le numéro. Ouais. Tandis que vous, on s'est pas soucié de vous, maîtrise pas. Oui, j'ai remarqué, c'est ouais. Pas très gentil. Bon, maître, vous avez écouté l'émission, on en est à combien dans les points du combien ça mesure? Toche, toche. Deux. Toche, toche. Non, c'est une blague. Bon, c'est pas grave, alors on va faire une question pour départager les deux. D'accord. Maëva? Oui. La longueur de la Nationale 4, 104 km, plus ou moins? Plus. Plus que 104 km? Ouais, allez. Yeah. Bonne réponse. Elle fait 192 km. X? Oui. Un cornet de glace en gaufre mesure 12 cm. C'est plus ou c'est moins? 12 cm point. Un petit cornet de glace en gaufre. Un peu plus. Un peu plus que 12 cm? Ouais. Et c'était 11,5. Maëva, yes. Tu remportes le jeu. Félicitations. Merci. T'as vu? J'ai fait 3 douches. Oui, mais on avait compris si elle avait gagné, maître. Pas 3 douches. Hein. Ouais, 3 douches. Mais bon, pourtant, bref. Pourtant, vous pourriez peut-être... Qu'est-ce qui se passe? Hein, quoi? Correct. Elle a voulu m'attaquer sur mon odeur. Correct. Ah, oui, mais en même temps, elle a un peu tort. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Je vous propose qu'on fasse notre certifié et ce sera notre perdu sur Internet. Mais pour ça, attention, il faut qu'on choisisse l'un des trois chemins qui s'offrent. On a en premier une chaîne de rétro-pédalage. C'est des amoureux d'archives et de vélos qui ont lancé une chaîne YouTube. Ok. Rétro-pédalage. Oh, c'est drôle. La chaîne de la Hesse. Ou alors on a la chaîne de la chorale du chaos. Laquelle est la vraie chaîne qui existe et qu'on va décortiquer ce soir? La chorale. La chorale. Je te vois bien partir vers une chorale. Alors moi j'espère que c'est la chorale. Comme l'autre fois, j'espère que c'est la chorale, mais je pense que c'est la S. La S? Tu penses que c'est la S? Ouais. Vous êtes perdu sur Internet. En effet, c'est la S. Ouais, j'ai toujours raison. Ouais, bon bah sauf qu'avant ça, il faut quand même demander à Siri ce que signifie la S, parce que c'est pas évident pour tout le monde. L'expression c'est la S vient d'un mot arabe, usd, qui veut dire volonté de nuire. Hein? Pour les jeunes d'aujourd'hui, cette expression veut dire être dans la misère. Dans une situation difficile, ric-rac niveau argent. Merci. Donc on est un peu dans la S, quoi. Oui. Je crois que Mamie Poula qui nous écoute te remercie pour ce petit. Ah bah. Voilà. On est tout public. Bon, alors on va dire bonjour à Virginia, youtubeuse, en un mot. Je vous préviens, le montage et les coupures, des mots, c'est pas ces trucs. Tout ce que vous allez entendre, il n'y a pas de son trafiqué de notre part, c'est juste elle qui monte avec des moufles. Bonjour les bitches. Or, si vous me connaissez pas, mais qui ne me connaît pas, je suis la queen des bitches, deux influenceuses de la Hesse. Ouais, bah merci la queen. Et elle fait quoi la queen? Si je vous vends pas du rêve, mais de la misère. Ah d'accord, elle ne nous vend pas du rêve, mais de la misère. C'est génial tout ça. De la misère. Misère, misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Enfin, généralement, on s'enjolive sur les vidéos, on essaie de se montrer sous son meilleur angle, voilà. C'est ça. On triche un peu, oui, un bah tout oui. Petit peu. Tout est à 100% vrai. No fake. No fake, no filter. That's life. Bon, on y voit quoi de vrai alors? Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des vidéos recettes de la Hesse, recettes de fond de placard et de frigo, objectif, budget du mois, remplissage d'enveloppe semaine par semaine. Attendez, on fait une pause. Remplissage d'enveloppe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle bosse à la poste ou alors... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça promet d'être riche ce qu'elle nous propose sur la chaîne. Budget de course, avoir le montant et le magasin. Des défis challenge. Des crash tests. Sûrement des hauls. J'ai bien dit sûrement. Et bien sûr, d'autres vidéos. Oh! Elle m'a perdu, hein. Là, je... Alors, il y a plein de mots que j'ai pas compris, comme le hall. Bon, bah oui, visiter mon hall. Allez, oh. Mais oh, sûrement, dites, sûrement. Vous savez, c'est quoi un hall quand même? Bah oui, c'est une grande pièce comme ça qui résonne souvent pour mettre ses chaussons. Mais non, c'est quand tu montres ce que t'as acheté. Je vais faire un hall. Alors aujourd'hui, j'ai acheté ça. Tu montres produit par produit. Oh, mais non, tu fais exprès pour faire rire les auditeurs ou t'es sérieux? Non, je sais pas. Parce que là, tu m'inquiètes. Je savais pas que c'était même un hall. Moi, hein, je savais pas non plus. Mais les gars. Moi, je suis pas une référence, mais voilà. Bah, on n'est pas des meufs, hein. Mais ça, arrête, ça n'a rien à voir avec les meufs. On est un peu dans la hesse, nous aussi. Hein. Nous, si on fait un haul de nos fringues, tu sais, on a les trois mêmes t-shirts toute l'année, ça va pas être très fou. Bah, même pour les mecs, il y a des hauls, je sais pas moi. Tantôt que Kik, c'est bon, on s'habille tout le temps pareil, et un jour sur deux, on porte la même chose. Ouais. Du coup, j'ai dû acheter des habits un peu différents, un peu. Vraiment ? Le style. Ah, tu t'es adapté ? Bah, j'ai essayé. Mais quoique, dans ma valise, j'ai encore un pull que tu as. Donc, ça ne s'arrête jamais. Oh là là, mais je vous préviens, si un jour vous comptez vous lancer sur YouTube, il faut faire mollo sur les promesses parce que si vous donnez trop aux gens dans le début à la présentation, après ils vont être déçus parce qu'ils n'auront pas tout ce que vous avez promis. Il y aura aussi également des vlogs, des vidéos où je te raconte ma vie ou pas. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, dans les restaurants, quand t'arrives et que tu lis la carte et que tu vois tous les, par exemple, toutes les sortes de pizza ou toutes les sortes de viande et tout ça, et tu te demandes vraiment, est-ce qu'ils sont capables de faire tout ça? Oui, c'est vrai. Tu vois des noms, tu dis, mais comment ça? Mais ça existe pas, ça. Des fois, la carte, c'est un bouquin. Mais oui. Et tu te dis, mais ils ont tout ça en cuisine? Pas possible. Bon, en ce moment, elle a toujours pas sorti de vidéo et ça fait un mois qu'elle a posté sa promesse, là, de faire des hauls, des vlogs. Sûrement, on verra. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à liker, dislike, celui-ci dans votre cucu. Sur ce, prenez soin de votre chinec et le reste on s'en bat les couilles. Ciao. Dès 20h sur KIF. Mais enfin, dis donc. Oh non, on peut pas diffuser ça. Bon, on se le réécoute. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à liker, dislike, celui-ci dans votre cucu. Sur ce, prenez soin de votre chinec et le reste on s'en bat les couilles. Ciao. Dans un instant, le blanket arrive. Je suis choqué. Moi aussi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, dislike, celui-ci dans votre cucu. Pour ce, prenez soin de votre chinec. Mais enfin. Le reste, on s'en bat les couilles. Ciao. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. T'as vu Maëva? Je les ai bien enchaînés cette semaine. Oui. Ah oui, je sais que si le Music Machine ne s'enchaîne pas avec... Maëvi. Elle est chafouin. Oui, mais non, parce que ça monte vraiment, j'aurais pu... Ah, voilà. Ah ouais, c'est le feu d'artifice de fin d'émission. C'est parce que c'est peut-être aussi mon moment préféré. Ah voilà, parce que le reste, elle s'en balait. on a compris, merci, ça fait plaisir, le message est passé. Elle préfère ça à Radio Falminule quand même. Hein. Oui. Bon alors, maître Ispa, maître Ispa... C'est vous qui allez mener la barque. C'est ça, j'ai plein de rames et j'ai barque avec les rames. Non, mais c'est-à-dire que... Ça marche. Non, non, c'est surtout que vous allez en fait noter les points ce soir. C'est vous qui allez être vigilant à ce que tout se passe bien et que tout le monde fasse ça sans tricher et qu'on compte les points au final. Oui. D'accord. Ok, ça va. Ce soir, je chante à la chorale. C'est bon pour le moral et je vais y aller. Oui, pour ne plus râler ce soir. Quand je chante à la chorale. Ouais, ils vont chanter tous dans le blanket. Attention, tout vient de TikTok. Vous êtes tous prêts? Oui. Oui. Kix versus Maëva. Vous aussi jouez dans la voiture. On démarre avec le premier titre. Oh my god. Oh my god. Il en tient une bonne. Alors. Oh my god. Allez, s'il vous plaît. C'est une chorale. Mais non, c'est pas une chorale. Oh my god. Il se lave là. Il fait quoi? Je sais pas. Il est dans un bain. Ça m'intrigue. Oh my god. Madonna. Life is a miracle. Oui, Madonna. Madonna, elle chante quoi? C'est vraiment Madonna? Oui, c'est vraiment Madonna. Et elle Like a prayer. Ça fait un? Oui, mettez le point. À chacun. À chacun. Ah non, mais quel talent de ce monsieur. Elle dit pas oh my god. Mais si, si, écoute. When you call my name, it's like a little prayer. Bah, il est proche de la réalité. Oh my god. Il n'y a pas une intro de 30 secondes où elle fait un mangan. Bah, qui sait ? Un mangan. Sur le 45 tours. Un mangan. Oui, la version est maxi 45 tours. Extended. Fallait bien qu'elle meuble. Hein. Tous ces chanteurs qui n'avaient rien à dire sur les chansons et qui faisaient durant 6 minutes. Yeah. Wow. Ok. Oh. Let's go. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Let's go. Ouais, il y en a eu beaucoup, hein. Et puis il y a DJ Albert qui a mis tout ça au sol et qui a dit, moi je veux dire, trois fois c'est mardi et après je me tais. C'est parti, hein. Uh-huh. C'est parti, hein. C'est parti, hein. Et il n'a plus jamais rechanté sur l'instru. Là on est parti pour 2 minutes 22 avec rien derrière. Yeah. Ah, c'est le talent, ça, mes amis. Allez, on continue avec le deuxième extrait. Kiss. Kiss, I was made for loving you. Bravo, Maëva. Et sur les premières secondes, ah, j'applaudis, hein. J'applaudis, merci, hein. Merci de me faire perdre devant tout le monde, merci, hein. Non, bravo. Parce que je voyais que tu l'avais, t'as fait un petit mouvement, genre, je sais. Bah oui, je connais le. Mais genre, tu m'as regardé, genre. De toute façon, je connais, mais. Lui, il va faire, je vous imite Kix dans la même situation. Hein. Ah oui, c'est. Attendez, c'est. Allez, si, nan, si, c'est. Le. I was made for loving you. C'est. Putain, Maëva t'as encore gagné. Voilà, ça, c'est à peu près ce que Kix va faire. Ouais. Non, mais autant pour le premier, vraiment, j'ai tapé Madonna au hasard parce que je savais pas du tout. Bah, bravo. Autant là, je connais la musique, mais comme d'hab. Hein. Bah, on écoute le refrain. Ah, il se fait du mal. Et pas qu'à lui. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'on les entend plus, ça se noie dans l'instru et qu'ils descendent un peu plus bas dans les notes. Waouh. Ouais, c'est haut là. Hein. Ah, je pourrais écouter mais ça toute la soirée. Ah non, ça me fascine. Mais en vrai, je trouve que c'est pas si mal. Hein. Mais ce qui moi m'inquiète, c'est que je vois sur mon écran 4 minutes 35. Ah. Donc ça veut dire que le mec, durant 4 minutes 35, il était devant son micro en train de se dire « Je chante comme un dieu. » Et là... C'est le moment où il a remonté son pantalon. Oh la vache. Maîtrise pas ? Oui. Ça fait... 2. 1. C'est très bien, c'est pour Maëva encore. Kix, la manche n'est pas terminée. Attention, bah non, Il reste encore 3 extraits, on continue. Je vous préviens, n'approchez pas. Johnny Hallyday. Ah. Ouais. Que vous soyez flic ou badaud. Je te dis, c'est un pas. Elle est récente, hein. Et oui, je sais, mais pas l'enfer. Non, l'enfer, c'est Stromae. Un fou d'amour, oui. Non. Vos fusils braqués. Il y a le mot fou. Non. Requiem pour un fou. Oh là là, qu'est-ce qu'il chante faux. Non, ça c'est le vrai, ça. Ah mince. Arrête s'il t'écoute. Avec Céline Dion. Eh oui. Et ouais. C'est très bien. C'est très bien, ça. Ouais. Bien, surtout la version de David. Yeah, je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou. Un fou d'amour. Ouais, il s'est envoyé. Oui, qui meurt d'amour. Ah oui. Oh. Qui meurt. Jusqu'au bout. On va se le faire en entier. Yeah. Qui meurt d'amour. Bye. Allez. Mais quelle fin. J'adore. Il termine tout par. Faudrait qu'on termine comme ça nous aussi. Ouais. Bye. Non, il faudrait le dire chacun son tour, c'est encore mieux. Attends, vas-y, on va le faire chacun son tour. Bye. Bye. Bye. La trappe revient mercredi prochain. On est originaux. Allez, on continue. On se fait les deux derniers. Ça fait 3-2 pour Maëva. 3-2, et t'as vu Kix, il y a encore moyen. On y va, ouais. On continue. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'altitude. Oh. C'est pas du tout le bon instrumental. Non. Attention. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait tellement peur. J'ai l'impression d'être sous la douche en train de me laver et que je tire la tenture et qu'il y a le mec qui est derrière qui chante ça. Nu. Ouais. Tout simplement. Il a l'âge de ton père. Arrêtez les minutes supplémentaires. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est vrai que le nom est pas très connu. Non, j'ai trop. Mais on a le titre. Tout doucement. Tout doucement. Non, non, tout doucement. Oh, Patricia Cass. Non, ah merde. Pas du tout. Elle s'appelait Bibi. Ah oui, oui, oui, oui. Tout doucement. Non, Abby, Bibi. Ah, Bibi. On n'est pas loin sur TikTok, hein. Tout doucement. Je comprends pas ceux qui mettent une instru totalement différente. Ah non, il te l'a fait en live, il a son synthé, il te le fait lui là. Non. C'est du live. Doucement. J'ai l'impression vraiment qu'on est au camping et que à un moment, vous savez, il y a la voiturette qui passe du camping et qui annonce ses activités. Ce soir, dans le camping, vous aurez Telly Miles avec son synthétiseur en folie pour vous proposer des reprises. Vous pourrez danser pour petits et grands, vaste parking. Et là, derrière ça, vous vous pointez à la soirée et vous avez... Elle m'attend. Il va mourir. Tout simplement. Ah non, il est là. Fermé pour cause de sentiments différents. Yeah. Et je vous rassure, il a fait une version de 7 minutes 18. Oh. Mais je vous l'épargne. Ah. Les points. Dommage. Maîtrise pas. Oui. Ça fait 4-2. Ok, très pour bien. Pour Maëva, okay. Évidemment, comme 4, d'habitude. 2. Bon, Kix. Ouais, j'avais pas trouvé la madame. Quelle madame? C'est Bibi. Oui, mais. Elle a trouvé le titre, allez. Un point, hein. On l'a trouvé ensemble. Moi? On a dit tous les deux tout doucement. C'est vrai, c'est vrai. Maîtrise pas, corrigez les points. Ah, mais, vous êtes un outil de justice ou pas? Pourquoi on gage, lui? Mais à quoi vous servez, maîtrise pas? Mais façon, il a quand même perdu le gars, lunette. Bon, maîtrise pas. Ça fait 4 roches. J'en ai marre. Je me lève. Regardez. Vous voyez là, par la fenêtre, là, qu'est-ce qu'il y a au coin, là, du rond-point? Policier? Non, à côté. Une pizzeria? Oui. Je vous propose la semaine prochaine peut-être songer à la reconversion. Et je sais pas italien, je sais espagnol. Et merde. Je l'ai dit, ça fait un grand cliché, mais. Oh, on n'est pas à ça près, nous. Ah, oh, vous savez. On se fait le dernier, c'est parti. Maëva? Oui. Essaye d'éviter de foutre une grosse raclée à Kix, parce que là, je pense qu'il peut gagner. Ça fait 4-3, hein. Du coup, 4-3, donc Kix pourrait gagner et faire une égalité. On y va. Rien qu'une fois, toi et moi, allez, Kinvé, s'il te plaît. Rien qu'une fois, toi Il a dit Kinvé. Rien qu'une fois. Tu l'as dit en premier. Et c'est quoi le titre? Rien qu'une fois. Une fois. Toi rien qu'une fois. Bonne réponse. Bah, je sais pas, c'est quoi du coup? Comment? Oui. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Donc, oui, effectivement, c'est Kinvé. Rien qu'une fois. Mais je vous propose juste qu'on. N'écoute maintenant qu'il n'y a plus de jeu, sérieusement ce que disait Brian dans son TikTok. Rien qu'une fois, toi et moi, allez Kinvé, s'il te plaît. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Evil Ken. Rien qu'une fois, toi et moi, allez Kinvé. Te retourne pas. Rien qu'une fois, toi et moi, ou avec Kenji. Oh non, arrêtez. On va pas le mettre à ça. T'es cherché ça où, toi? Je sais pas. Bah, il était tout à fait correct jusqu'ici, ce bonhomme. Ah non, là, il a vrillé. Et il faut s'arrêter là, monsieur. Hein. J'aimerais trop qu'il m'aime, monsieur Kinevé. Ah, voilà. J'aimerais trop qu'il m'aime, mais il me connaît pas. Non, j'aimerais trop qu'il m'aime, monsieur Kinevé. Allez, on y va. J'aimerais trop qu'il m'aime. Allez, on y va. Il me veut pas. Dans un zil, baise-moi, boîte, elle est belle. Non, non, le yaourt, quand ça dit baise-moi, faut pas le faire. Non, vraiment. Kinevé, une réponse. Ouais, je pense, ouais, c'est le mieux à faire. Ça fait 4-4. 4-4 comme la voiture. Oh, on se fait une manche bonus. Oui. C'est parti. Pas me louper. Michel Sardou. Non, mais t'es sérieuse. Non mais Maëva, on a juste fait. Et toi, tu me donnes la réponse. Oui. Non mais t'as les réponses. Attends, laisse-moi vérifier. T'as pas les réponses. C'était. Oh là là, vous vous rendez compte que Michel Sardou. Ouais. ok. Et quel titre? Toujours bien travaillé. Attends. On a souvent eu peur de ne pas. Je ne sais plus. Maintenant qu'on est tous les deux. Non, je la trouvais pas. Maîtrise pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on lui met quand même les points, facile à trouver. Hein. Ouais, bah. On habiterait à l'hôtel. On prendrait le café au lit. On choisirait un petit hôtel. C'est Les Vieux Mariés de Michel Sardou. Les Vieux Mariés, oui. Mais oui, évidemment. Elle est très belle, cette chanson. Elle est très, très jolie. Bon, ça s'écoute un peu tout seul en voiture en train de déprimer, mais c'est très sympa quand même. On habiterait à l'hôtel. Ça, moins. On prendrait le café au lit. On choisirait un petit hôtel. Non. Dans un joli coin du midi. Ce soir, il me vient des idées. Monsieur là, Kenvey, merde. Votre début de semaine était pourri. Là, vous vous dites que ça va mieux. Décale-toi, tu t'appelles comment? Nathan, s'il te plaît, décale-toi un tout petit peu, encore un tout petit peu. Bon, maîtrise pas, j'ai l'impression que Maëva a encore gagné. Ça fait 5-4 pour Maëva. Ok, oui, non, c'est bon. Oui, salut, Kix. À la semaine prochaine, salut. Bravo, Maëva. Bah oui, mais t'avais aucune chance sur le bonus, c'était Michel Sardou et ma maman m'a élevé à Michel Sardou, donc je suis drillée depuis mon jeune âge. Ah voilà, ouais. Quand on saura tout, c'est là que ça vient. Au hashtag Jajadoul. Ouais, c'est ça, Jajadoul sur Instagram, vous nous suivez. Et comme ça, vous restez en contact avec l'émission. D'ailleurs, toute la semaine, hein, vous pourrez écouter les podcasts. Ça se passe sur toutes les plateformes. Vous tapez Jadoul la trappe et vous retrouvez les meilleurs moments comme l'intégrale de l'émission. On est là comme chaque semaine, normalement mercredi prochain. Si on n'a pas de nouveau des problèmes de studio et qu'on se retrouve SDF, on sera là. Inch'Allah. Et la trappe en deux mots, hein, pour bien préciser. Oui, la trappe en deux mots parce que. Ouais, pas avec du vinaigre. Enfin bref, on a compris l'histoire. Salut Kix. Ciao. Salut Maëva, bonne semaine à tous, bisous. Bisous. La trappe revient mercredi prochain.